23. Compréhension auditive et production orale. Vous allez entendre de courts passages suivis d'une question. Répondez oralement à la question. 1. Mais pas grave, c'est rien. C'est une vieille jupe, je ne la mets presque jamais. Pourquoi Mireille dit-elle que ce n'est pas grave? Parce que c'est une vieille jupe. Elle ne la met presque jamais. 2. Au lycée, on n'a pas une minute à soi. On n'est jamais tranquille. On n'est pas libre. Il y a toujours quelque chose à faire. Pourquoi est-ce qu'on n'est jamais libre au lycée? Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. 3. Ah, Hemingway. Quel homme, hein? Vous l'avez connu? Non, mademoiselle, je suis trop jeune. Il n'y a qu'un an que je suis à la closerie. Pourquoi est-ce que le garçon n'a pas connu Hemingway? Parce qu'il est trop jeune. 4. Vous l'avez lu? Non, mademoiselle, je n'ai pas le temps. Vous savez ce que c'est? Le travail, la famille, le jardin. Pourquoi est-ce que le garçon n'a pas lu Hemingway? Parce qu'il n'a pas le temps. 5. Je ne connais pas son œuvre, mais j'en ai entendu parler. Comment le garçon sait-il qu'Hemingway était un grand écrivain? Parce qu'il en a entendu parler. 6. Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en congé? Pour me trouver. Pourquoi Robert s'est-il mis en congé? Pour se trouver. 7. J'ai appris à lire presque tout seul. Comment Robert a-t-il appris à lire? Presque tout seul.